Nous sommes heureux d'appartenir à un Dieu qui est tout en lui-même. Il n'a pas besoin d'ajout pour devenir. Il n'a pas besoin qu'on retranche pour qu'il soit. Il est complet. Devant la bataille, il se révèle comme le lion de la tribu de Juda qui terrasse nos adversaires. Et pour ôter nos péchés, il est venu comme l'agneau des dieux pour enlever ce qui était de mauvais en nous et nous présenter devant le Père comme étant des saints. Voilà pourquoi, sanctifiés par le sang de l'agneau, purifiés, nous nous présentons tous devant son trône pour lui dire « Holy, holy is the Lord. Saint, saint, saint est l'Éternel. » Alléluia. Alléluia. Ce peut être plus jamais qu'aujourd'hui. La vie est beaucoup plus sérieuse que vous le pensez. Et on ne vient pas juste dire à Dieu qu'on l'aime sans que ça soit réel. Un jour où il n'y aura plus de podium ni de lumière, car il sera le soleil vivant. Ce jour-là, seulement ceux qui ont pris la bonne décision le verront face à face. Ce soir, je ne sais pas mieux m'exprimer pour être sérieux. Mais si tu es là ce soir et que tu sais que Jésus n'est pas encore le maître de ta vie, et que Jésus n'a pas encore été aussi important que tu l'as pensé aujourd'hui, lève ta main là où tu es. Si je veux donner ta vie à Jésus ce soir, juste là où tu es, lève ta main. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Donne ta vie aujourd'hui. Oh oui, donne ta vie en Jésus. Je remarque que ceux qui ont levé leurs mains pour donner la vie à Jésus, prenez cette main que vous avez, mettez-la sur la tête. Quand nous prions et quand je priais personnellement, Dieu me disait, je veux sauver une autre génération. Est-ce que vous êtes prêts à parler le langage de cette génération? Nous avons dit à Dieu, nous ne sommes pas capables, mais si tu le veux, qu'il en soit ainsi. Mettez juste votre main sur votre tête et je vais prier avec vous. Reprenez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui je décide de te donner ma vie. Aujourd'hui je décide d'abandonner le monde, d'abandonner la chair et de te suivre. Je dis non au péché. Je dis non au monde. Je dis non à Satan. Et je dis oui à Jésus. À partir d'aujourd'hui, deviens mon Seigneur, mon Maître. Écris mon nom dans le livre de vie. Je vais prier pour vous, Saint-Père. Toi qui as prévu que ce temps soit le seul moment, le seul temps, on pouvait parler à ses frères et sœurs. Quand nous voulions le faire comme d'habitude, tu n'as pas voulu comme d'habitude. Car tu savais...